Puisque nous sommes des saints, notre conduite doit laisser une marque indélébile dans la société. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Si nous pouvions illustrer notre marche chrétienne sur un graphique, nous observerions des lignes formant des sommets suivis de creux profonds. Il en serait ainsi parce que marcher de façon compatible avec notre foi est énormément difficile, car nous sommes encore dans notre corps. La Bible ne nous demande pas de ne pas tenir compte de nos émotions, non, mais elle nous encourage à tourner nos regards vers Dieu afin que nous soyons capables de faire face aux hauts et aux bas de la vie. Pensez-vous que c'est plus facile à dire qu'à faire? Demeurez à l'écoute. Charles Stanley nous aide à faire face au manque de constance dont nous faisons tous preuve et nous donne des directives pour marcher fidèlement sur le sentier de la croissance spirituelle. Une des leçons les plus difficiles de la vie chrétienne, c'est d'apprendre à être constant dans notre marche chrétienne. C'est le sujet dont je désire traiter aujourd'hui. Voyons d'abord ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ceci signifie toujours refaire le même péché jusqu'à ce que notre conscience devienne insensible à l'esprit pour ensuite nous livrer au dérèglement, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Nous nous retrouvons alors esclaves de notre péché. Cependant, l'apôtre Paul ne s'arrête pas au verset 19. Lisons jusqu'au verset 24. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Si je vous demandais quel est le but de la vie, que me répondriez-vous? Vous pourriez me donner plusieurs raisons, mais la raison ultime selon la Bible est celle-ci. Dieu nous a créés afin que nous le glorifions. Pour atteindre ce but, il nous sauve par sa grâce et nous fait naître de nouveau. Dieu nous a créés, c'est notre naissance physique. Or, plus tard, au cours de notre vie, il faut suivre cette naissance d'une naissance spirituelle dont l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce serait merveilleux si, à partir du jour de notre salut, nous pouvions marcher parfaitement dans les voies de Dieu sans jamais en dévier, tout accomplir selon ses échéanciers, tout en lui obéissant fidèlement. Cependant, peu de temps après notre conversion, nous avons découvert que nous pouvions facilement retomber dans nos anciennes façons de penser et peu de temps après, nous marchions selon ces mêmes pensées. Peu de temps après notre conversion, nous nous sommes remis à pratiquer les péchés d'autrefois. Nous ne voulions pas retourner à notre ancienne vie. Nous n'avions pas l'intention de pratiquer de nouveau nos anciens péchés. Cependant, nous avons senti qu'on nous tirait par la manche et nous nous sommes retrouvés avec un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le monde. Nous savions que Dieu veut transformer nos vies pour que nous marchions dans la justice et la joie. Nous savions que Dieu veut nous transformer à l'image de son Fils. Cependant, nos anciennes pensées ont remonté souvent à la surface et nous nous sommes demandé si nous étions vraiment sauvés. Nous nous sommes rendus compte que nous sommes nés spirituellement par la grâce de Dieu au moyen de la mort expiatoire de Jésus-Christ. Nous connaissons le plan du salut. Nous avons l'assurance d'être sauvés. Mais pourquoi sommes-nous instables dans notre marche chrétienne? Le Proverbe 23, verset 7 dit ceci. « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Mes actions sont l'effet à retardement de mes pensées. Est-ce que je suis responsable de mes pensées? Certainement, je le suis. Le principe est le même que vous soyez un croyant ou non. Ce que vous pensez va déterminer votre comportement. Vos croyances guident vos actions. Votre comportement est le résultat de ce que vous croyez penser. Si je me sens inférieur ou incompétent, si je manque d'assurance, si je me sens inutile, si j'ai une mauvaise attitude envers vous, c'est le résultat de mes pensées. Si je manque d'assurance, si je me sens inférieur ou incompétent, alors je vais réagir en conséquence. Notre comportement quotidien révèle notre façon de penser. Si je veux modifier mon comportement, ma façon de penser doit premièrement changer. Par contre, si je me crois incompétent et que je manque d'assurance, si je me vois comme un petit croyant inutile, si je marche à pas feutrés dans la vie afin de ne pas être remarqué tout en faisant mon possible, si je lis ma Bible en cachette afin de n'être vu de personne, alors je ne sais pas qui je suis en Christ Jésus. Si nous sommes des saints appartenant au Dieu vivant, si nous sommes des soldats de Jésus-Christ, nous devrions laisser une marque indélébile sur notre entourage et dans la société dans laquelle nous vivons. Comment peut-on faire cela? En vivant de telle façon que les gens qui nous entourent ne puissent pas faire autrement que remarquer que le Seigneur Jésus habite en nous, qu'il est vivant. Notre conduite et notre caractère doivent refléter l'image du Seigneur Jésus. Notre entourage doit percevoir que le Seigneur Jésus, qui est monté au ciel à la droite du Père, vit sur terre, car il vit en nous. Lorsque nous nous présentons au travail ou que nous pénétrons dans la salle de classe, tout notre être doit exprimer l'amour du Seigneur Jésus. Tous doivent le percevoir. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, l'apôtre Paul dit qu'il nous est arrivé une chose merveilleuse. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Nous n'avons pas retourné à nos anciennes voies. Renouveler une chose, c'est la modifier, c'est la rénover. Malheureusement, de nombreux chrétiens stagnent après avoir été sauvés. Je suis un pécheur sauvé. Cependant, je dois mettre l'accent sur le fait que je suis un saint appartenant au Dieu vivant. Je suis une nouvelle créature. C'est cela, mettre nos pensées à jour, les renouveler. Nous devons nous percevoir comme Dieu le fait. Nos pensées à notre sujet doivent devenir celles de Dieu. Ce que nous croyons détermine notre comportement. La façon dont nous nous percevons va guider toutes nos actions. Nous ne pouvons pas faire autrement. Nous allons réagir en fonction de la perception que nous avons de nous-mêmes. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 23 et 24, Paul dit « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2, l'apôtre Paul nous donne une exhortation. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Attachez vos choses d'en haut, pensez à celles-ci, méditez-les, donnez-leur votre attention, préférez-les à celles de la terre, que les vérités spirituelles soient l'objet principal de vos pensées. Cela n'est pas nouveau. Ce n'est pas quelque chose que nous trouvons uniquement dans le Nouveau Testament. Nous trouvons cela dans l'Ancien Testament. Israël, ou Jacob, s'est installé en Égypte avec les 70 membres de sa famille. 400 ans plus tard, le peuple hébreu comptait de 2 à 3 millions d'individus. Ils ont été immergés dans la culture égyptienne pendant tout ce temps. Les Hébreux mangeaient comme les Égyptiens, ils s'habillaient comme les Égyptiens, ils agissaient comme les Égyptiens, et leur façon de penser est influencée par la culture égyptienne. tous ces Israélites ne croyaient pas en l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. De nombreux Hébreux croyaient en toutes sortes de choses. Ces Hébreux ont provoqué des problèmes et ont été à l'origine de rébellions contre Dieu et Moïse lors de la traversée du désert. En fait, ils ont aussi causé des ennuis dans la terre promise. Dieu a donc dit à Moïse, « Voici ce que je vais faire. Je vais faire sortir le peuple hébreu d'Égypte, mais je ne peux pas le conduire immédiatement dans la terre promise. En effet, il s'y trouve des Hittites, des Jébusiens et des Amoriens. Ce sont des peuples idolâtres. Si le peuple hébreu doit être mon peuple, ce qu'il est déjà, je dois lui enseigner mes pensées. Les Hébreux doivent cesser de penser selon les philosophies égyptiennes pour penser de la même façon que moi. » Comment Dieu a-t-il implanté sa façon de penser? Immédiatement après le passage de la mer Rouge, il n'a pas guidé le peuple vers la terre promise, mais il l'a conduit au mont Sinaï. Dieu dit à Moïse, « Moïse, voici la façon dont je pense. Je veux que mon peuple pense de la même manière. Moïse, dis à mon peuple que Dieu ou l'Éternel, celui-ci qui est, pense ainsi. Celui qui est exige que vous n'ayez pas à voir d'autre Dieu que lui. Dieu ordonne de ne pas se faire de statue ou d'image pour se prosterner devant elle. » Dieu a ajouté, « Moïse, dis-leur de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire de faux témoignages et de ne pas commettre l'adultère. Moïse, explique-leur que je veux qu'ils mettent un jour à part par semaine pour m'adorer. Ils doivent aussi honorer leur père et leur mère. » Ensuite, Dieu leur a donné la loi mosaïque que l'on trouve dans le livre du Deutéronome. Que faisait Dieu exactement? Il reprogrammait le peuple hébreu qui était sous l'influence du paganisme égyptien. Il mettait à jour leur façon de penser. Il a fait cela parce que le jour où le peuple a traversé la mer Rouge, il est visiblement devenu le peuple du Dieu vivant, de Yahweh. Le peuple doit cesser de penser comme les Égyptiens et méditer sur ce qu'il est, le peuple de Dieu, de celui qui est, de celui qui a frappé l'Égypte de 10 plaies pour les libérer. Il est maintenant leur Dieu. Notre Père céleste fait exactement la même chose avec nous lorsque nous revenons à lui par la foi et la repentance, lorsqu'il nous sauve. Il doit mettre nos pensées à jour pour remplacer les pensées du monde par les siennes. Pour ce faire, il renouvelle notre intelligence. Pendant des siècles, des personnes ont fréquenté des églises. Elles ont écouté des sermons, mais leurs pensées n'ont jamais été renouvelées. Ces personnes n'ont jamais pensé à utiliser les grandes vérités spirituelles pour apprendre à penser comme Dieu. Si vous écoutez ce programme simplement pour vous divertir, l'essentiel vous échappe. Il faut renouveler vos pensées. Lisons le verset 7 du Proverbe 23. « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. » Si je me perçois comme saint, compétent et digne parce que j'appartiens à Jésus-Christ, alors je pourrai marcher dans la justice, la sainteté, la paix et la joie. Or, si je me perçois comme une personne qui devra toujours marcher en boitant, un pécheur sauvé par grâce, convaincu que je subirai des échecs parce que je ne suis pas parfait, alors je serai davantage porté au découragement. Mais qui a dit que nous deviendrons parfaits sur cette terre? Nous parlons simplement de devenir saints. Les saints ne sont pas parfaits. Ils ont été créés en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Ils sont habités par le Saint-Esprit afin de marcher dans la sainteté et la justice, ce qu'ils ne peuvent pas faire par leurs propres efforts. C'est la vie de Christ Jésus en eux qui se manifeste par un débordement. La vie chrétienne, ce n'est pas faire des efforts et satisfaire nos besoins afin de devenir saints. C'est l'Esprit Saint en nous qui répand son amour à travers nous. Si vous êtes sauvés, mais que vous croyez être un pécheur rafistolé, vous allez travailler pour vous améliorer et mériter les faveurs de Dieu. Ainsi, vous allez vous placer sous un joug toute votre vie. Notez ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Comment pouvons-nous donc renouveler notre intelligence? Eh bien, nous devons premièrement comprendre et reconnaître notre nouvelle position en Christ Jésus. Nous ne sommes pas des pécheurs affistolés. Nous sommes de nouvelles créatures en Christ Jésus et nous sommes habités par le Saint-Esprit. Nous devons reconnaître notre nouvel état. Nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous ne sommes pas rafistolés, mais nous sommes régénérés. Deuxièmement, nous devons choisir de porter nos pensées vers les vérités divines. C'est ce que l'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Pour une marche chrétienne compatible avec notre nouvelle nature, il faut renouveler notre intelligence. Il faut penser comme Dieu pense. Il faut choisir de méditer les vérités divines. Où pouvons-nous trouver les vérités divines pour les examiner et les méditer? Dans la Bible. Permettez-moi de vous faire une suggestion. Certains d'entre vous sont probablement de nouveaux chrétiens et vous ne savez pas où commencer. Si vous ne savez pas quoi lire, je vous recommande de vous concentrer sur les choses d'en haut en lisant trois petits épîtres de la Bible, soit Éphésiens, Philippiens et Colossiens. Débutez par ces trois épîtres. Le reste de la Bible est important, mais vous ne pouvez pas l'absorber entièrement d'un seul coup. Débutez donc par les épîtres aux Éphésiens, aux Philippiens et aux Colossiens. Ce sont trois livres assez courts et vous pouvez vous en servir pour vous aider à renouveler votre façon de penser. Dieu vous illuminera par son Saint-Esprit afin que vous compreniez ses épîtres. Il est important d'examiner et d'étudier la vérité. Troisièmement, triez vos pensées selon leur origine et rejetez les mauvaises. Voici ce qui arrive souvent. Vous désirez renouveler vos pensées afin qu'elles soient conformes à celles de Dieu. Vous lisez la Bible et une pensée vient à votre esprit. Satan sème une pensée dans votre esprit et vous vous demandez d'où elle vient. La plupart des chrétiens pensent qu'elle vient d'eux, mais ce n'est pas le cas. Qui est-ce qui vit en vous? Le Seigneur Jésus et son Esprit Saint. Le Seigneur est votre vie. D'où viennent donc ces pensées? Elles viennent de Satan ou du diable. Vous êtes en train de prier. Et Satan vous envoie une pensée au sujet d'un de vos ennemis. C'est la personne la plus détestable, la plus odieuse que je connaisse. Une telle pensée ne vient pas de vous lorsque vous priez. Que devez-vous faire? Vous devez la rejeter, car elle ne vient pas de Dieu. Toutes les pensées qui vous viennent à l'esprit ne viennent pas nécessairement de vous. Les pensées de Satan deviennent les vôtres lorsque vous les accueillez et que vous les laissez mijoter dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles vous poussent à satisfaire votre convoitise. Ensuite, vous êtes déçu de vous-même. Ne reconnaissez pas les pensées du diable comme étant les vôtres. Vous êtes en Christ Jésus, il est votre vie. Ne prenez pas les pensées de Satan pour vos pensées. Triez vos pensées et rejetez celles qui ne viennent pas de Dieu. Elles ne vous conviennent pas. Voici comment fonctionne la tactique du diable. Il vous envoie une pensée et vous demandez si vous pouvez être sauvé et pensez cela. Vous vous demandez si vous pouvez plaire à Dieu, car vous pensez cela. Vous pensez que Dieu doit être déçu de vous parce que vous avez rétrogradé dans votre ancien péché. Vous pensez alors que vous êtes indigne de prier ou de servir dans votre église locale. Tout cela vient du diable. Ces pensées ne sont pas vos pensées. Ne considérez pas vôtre ce qui vient du diable. Satan est le père du mensonge. Il est un menteur et un séducteur. Notez ce qui est dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Satan a séduit Ève par la ruse et fait la même chose avec nous. Il met une pensée dans notre esprit et nous dit « Tu devrais avoir honte. Comment est-ce que Dieu peut t'aimer ?» Cependant, vous devez rejeter ces pensées qui viennent de Satan. concentrez-vous plutôt sur ce que la parole de Dieu affirme à votre sujet. Dieu est en train de renouveler votre intelligence. Alors, il ne faut pas accepter les pensées du diable, qui veut vous faire croire que les pensées qu'il a semées dans votre esprit viennent de vous. Si vous faites cela, Satan va vous harceler de toutes sortes de pensées. Il s'attaquera à votre esprit. Rejetez simplement toutes ces pensées. Qu'importe de quelle direction elles viennent, vous avez la puissance nécessaire pour porter votre attention sur les choses d'en haut. Vous n'êtes pas obligé d'entretenir les pensées du diable. Marchez selon la vérité et non selon vos sentiments. Si vous oubliez tout ce que j'ai enseigné aujourd'hui, retenez ce dernier mot. Marchez selon la vérité et non selon vos sentiments. La plupart des gens marchent selon leurs sentiments. Vous pensez avoir faim, mais ce n'est pas le cas, car vous avez pris votre repas il y a une demi-heure. La vérité, c'est que vous n'avez pas faim, mais que vous désirez manger. Que devons-nous faire? Nous profitons des autres de toutes sortes de manières parce que nous voulons satisfaire nos besoins. Certains de nos désirs sont légitimes, d'autres ne le sont pas. Est-ce que vous vous laissez guider par vos désirs et vos sentiments? Est-ce eux qui déterminent vos actions? En fait, il faut marcher selon la vérité, selon la parole de Dieu, et non selon nos désirs et nos sentiments. Nous devons marcher conformément à la vérité, et les sentiments appropriés suivront nos actions. Si des sentiments appropriés suivent vos actions, vous ne pouvez cependant pas laisser vos sentiments vous guider. Vous êtes une nouvelle créature en Christ Jésus. Vous êtes une personne née spirituellement. Vous devez agir selon ce que vous êtes, et les sentiments appropriés suivront en temps et lieu. Le renouvellement de l'intelligence est un processus qui se fait par la foi. Je ne sais pas qui vous êtes, mais où que vous soyez, Dieu peut vous libérer de vos péchés. Demandez à Dieu de vous pardonner et de venir dans votre vie. Soyez disposés à pardonner à tous ceux qui vous ont fait du mal. Soyez disposés à vous pardonner vous-même parce que Dieu vous a pardonné. Acceptez-vous tel que vous êtes. Méditez sérieusement la Bible. Dites à Dieu que vous désirez vous attacher aux choses d'en haut. Dites-lui que vous désirez qu'il renouvelle votre intelligence. Engagez-vous à marcher selon la vérité et non selon vos sentiments. Dieu va transformer radicalement votre vie. Cependant, Dieu travaille dans notre vie que si nous lui appartenons. Si le Seigneur Jésus n'est pas notre sauveur personnel, nous sommes sous la colère de Dieu et il ne nous transforme pas à l'image de son Fils. Le péché vous rend-il malheureux? Êtes-vous esclave d'un péché qui ruine votre vie? Dieu peut vous libérer et renouveler votre intelligence. Cependant, si vous n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, il vous faut faire ce premier pas. Confessez vos péchés à Dieu, demandez-lui pardon et dites-lui que vous acceptez son Fils Jésus-Christ comme sauveur personnel. Vous recevrez gratuitement le pardon de tous vos péchés, puisque le Seigneur Jésus a expié vos péchés en donnant sa vie en rançon pour vous en mourant sur la croix. Lorsque vous recevez le Seigneur Jésus comme sauveur personnel, il vient habiter dans votre cœur par son Esprit Saint, et immédiatement, il commence à renouveler votre intelligence. Vous comprendrez des passages de la Bible qui vous semblaient obscurs ou difficiles. Parlez à Dieu dans la prière et demandez-lui de vous sauver. Charles Stanley a souligné qu'une marche chrétienne stable s'obtient par la prière et la méditation de la parole divine. Alors que nous découvrons le caractère immuable de Dieu, nous apprenons à lui faire confiance plutôt que d'être dépassés par nos circonstances, comme nous l'enseigne l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 5 à 9, selon la traduction de la parole vivante. Aussi longtemps que l'homme veut disposer seul de sa vie, il ne parvient pas à se détacher de lui-même. Tous ses désirs, ses intérêts et ses plans tournent autour de sa personne. Livré à lui-même, il tend vers ce qui est conforme à la nature de l'homme non régénéré. Mais ceux qui suivent les suggestions de l'esprit se préoccupent de ce que Dieu désire et concentrent leurs recherches sur les richesses spirituelles. Or, suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts, c'est aller à la mort. Mais rechercher la pensée de l'esprit, obéir à ses directives, voilà ce qui nous conduit à la vie et à la paix. La vieille nature de l'homme livré à lui-même est opposée à Dieu. L'homme qui la suit ne se soucie guère d'accomplir la volonté de Dieu exprimée dans sa loi. Il ne veut ni ne peut s'y soumettre. C'est pourquoi, aussi longtemps que l'homme vit pour lui-même, pour la satisfaction des désirs de son être naturel, il ne peut être approuvé de Dieu. Ceux qui suivent leur tendance instinctive ne sauraient lui plaire. Mais vous, n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Évidemment, si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ en lui, il ne fait pas partie des siens, ce n'est pas un vrai chrétien. Lorsque je suis venu au Seigneur Jésus, j'ai commencé à comprendre l'Écriture. Je lisais des passages qui me semblaient obscurs autrefois, mais l'Esprit de Dieu nous illumine lorsque nous appartenons au Seigneur Jésus. Il ôte le voile qui couvrait notre intelligence et nous enseigne les vérités divines. Un de mes amis m'expliquait qu'il avait souvent lu les Béatitudes avant sa conversion et qu'il leur donnait une interprétation humaine. La première fois qu'il les a lues quelques semaines après sa conversion, le sens spirituel du texte lui a sauté aux yeux. Dieu renouvelle l'intelligence des siens. Le diable nous attaque toujours dans nos pensées. Il en sème de toutes sortes dans notre esprit. Lorsque Dieu renouvelle notre intelligence alors que nous prions et méditons sa parole, nous apprenons à repousser ses attaques sataniques. Par exemple, la Bible dit que l'amertume et la rancune sont des fruits de la chair. Rejetons loin de nous de telles pensées. Cherchez-vous à mieux connaître Jésus-Christ, qui offre encore aujourd'hui son amour éternel à ceux qui viennent à lui? Les enseignements du Dr Stanley ont-ils suscité en vous des questions, mais vous ne savez pas où trouver des réponses? Radio Espoir est à votre écoute. Vous pouvez nous rejoindre en téléphonant au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou venez sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.